c'est que le secret de l'islam n'est pas de faire en sorte que nos principes, ceux dont on parle, tout ce qui fait le tawhid, tous les éléments essentiels sur lesquels je vais revenir, ça n'est pas de penser que c'est ça qui fait nos fraternités. Ça, ce ne sont que des repères sur la route. Après, on a tout à construire.